changer. Les petits moments passés qui fait nous vivre à des. Nous t'es qu'à exister et nous t'es qu'à rêver. Et puis soleil levé, c'est ça le cas songé. Ça fait pas effacer les petits moments passés. Et chaque jour qu'a passé, oui, nous qu'a continué. Baby, baby, et tout ce temps.